12 les grandes traversées au l'oiseau blanc plus les aviatrices. Le 21 mai 1927, l'Américain Charles Lindbergh reliait New York à Paris à bord de son célèbre avion Spirit of St. Louis. Cette traversée de l'océan Atlantique, une première mondiale, déclencha l'enthousiasme des foules. Mais saviez-vous que deux semaines plus tôt, les pilotes français Charles Ningesser et François Colly avaient entrepris de réaliser la même traversée, mais en sens inverse? En plus de l'exploit que cela représentait, un prix de $25 000 était en jeu, proposé par l'industriel américain Raymond Ortegue. Vous avez sous les yeux un moteur Lorraine semblable à celui qui équipait l'avion de Ningesser et Colly, un levasseur Grand Raid baptisé « l'oiseau blanc ». D'après certains témoignages, l'oiseau blanc se serait abîmé au large de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, non loin de l'île canadienne de Terre-Neuve. Safran a participé à une campagne de recherche de l'épave dans cette zone. Une telle découverte prouverait en effet la réussite des deux pilotes, malgré l'issue tragique de leur entreprise. Derrière le moteur Lorraine, regardez le portrait des aviatrices Maryse Bastier et Maryse Hills. Avec d'autres femmes, comme Hélène Boucher et Adrienne Bolland, elles ont beaucoup contribué à repousser les limites de l'aéronautique. Dans l'entre-deux-guerres, elles établirent notamment de nombreux records, records de vitesse, d'altitude, de distance, ou encore de durée de vol.